fuir le monde et ton image, à ne pas accepter ton étage et ton corps. Mais tu as oublié qu'on n'est que le passage et que le temps qui fuit est toujours le plus fort. Crève un peu les nuages, déchire le rideau. Tu n'es que le passage comme l'eau. Tu as passé ton temps à t'inventer une vie, si loin que ton esprit en est presque perdu. Tu as même changé de monde pour un autre entrevue, dans les vapeurs d'alcool et de jeux interdits. Crève un peu les nuages, déchire le rideau. Que le passage comme l'eau d'un ruisseau. Les amis sont tes clones, presque de pure copie, qui te renvoient sans cesse une image faussée et qui te servent un peu de modèle à rêver. C'est par procuration que tu gères ta vie. Un peu les nuages, déchire le rideau. Tu n'es que le passage comme l'eau d'un ruisseau. La musique que tu écoutes est presque d'outre-tombe, bien plus proche du bruit que d'une mélodie. Rondement furieux, appelant à la folie, pour te créer la transe à laquelle tu succombes. Crève un peu tes nuages, déchire le rideau. Tu n'es que le passage, comme l'eau d'un ruisseau. Même de la peine à faire la différence entre la vie réelle et ton monde synthétique. Tu te sens prêt à tout pour un petit peu de fric, te permettant d'acheter toutes sortes de substances. Crève un peu les nuages, déchire le rideau. Tu n'es que le passage comme l'eau d'un ruisseau. Mais il va bien falloir remettre les pieds sur terre si tu ne veux pas rester coincé dans ta planète. Ton petit monde étroit va te manger la tête et petit à petit devenir un enfer. Crève un peu les nuages, le rideau. Tu n'es que le passage comme l'eau d'un ruisseau. Crève un peu tes nuages, déchire ce rideau. Tu n'es que le passage comme l'eau d'un ruisseau.